Acte 3. Scène première. Le palais. Père Ubu, Mère Ubu. De par ma chandelle verte, me voici roi de ce pays. Je me suis déjà flanqué une indigestion. Et on va m'apporter une grande capeline. En quoi est-elle, Père Ubu? Car nous avons beau être roi, il faut être économe. Madame ma femelle, elle est en peau de mouton avec une agrafe et des brides en peau de chien. Voilà qui est beau, mais il est encore plus beau d'être roi. Oui, tu as raison, Mère Ubu. Nous avons une grande reconnaissance au duc de Lituanie. Qui donc? Le capitaine Bordure. Ah, de grâce, Mère Ubu, ne me parle pas de ce bouffre. Maintenant que je n'ai plus besoin de lui, il peut bien se brosser le ventre. Il n'aura point son duché. Tu as grand tort, Père Ubu. Il va se tourner contre toi. Oh, bah, je le plains bien, ce petit homme. Mais je m'en soucie autant que de Bougrela. Crois-tu en avoir fini avec Bougrela? Sabra finance, évidemment. Que veux-tu qu'il me fasse, ce petit sagouin de 14 ans? Père Ubu, fais attention à ce que je te dis. Crois-moi, tâche de t'attacher Bougrela par tes bienfaits. Encore de l'argent à donner? Ah non, du coup, vous m'avez fait gâcher bien 22 millions. Fais à ta tête, Père Ubu, il t'en cuira. Ouais, bah tu seras avec moi dans la marmite. Écoute, encore une fois, je suis sûr que le jeune Bougrela l'emportera. Car il a pour lui le bon droit. Ah, saleté! Le mauvais droit n'ont-ils pas le bon? Ah, tu m'injuries, Mère Ubu! Je vais te mettre en morceaux! La Mère Ubu se sauve, poursuivie par Ubu.